Chapitre 3e, du beurre dupé. Dans la salle à manger des premières classes, les passagers avaient pris place autour de grandes tables décorées avec un luxe inouï et couvertes à profusion de cristaux et d'argenterie. Les mets les plus exquis leur étaient servis, arrosés des crus les plus renommés. Une nuée de stewards, discrets et empressés, circulait autour des tables. Le bruit des conversations emplissait la vaste salle, à l'extrémité de laquelle un orchestre installé sur une estrade jouait ses airs les plus entraînants. Rien, même dans les plus grands hôtels, ne peut donner une idée du luxe et de l'élégance qu'on rencontre à bord de ces grands transatlantiques. Et le directeur White avait parfaitement raison quand il affirmait que les paquebots de la compagnie Cunard comptaient parmi les plus beaux et les plus confortables. Nat Pinkerton était assis non loin du personnage qu'il s'était promis de surveiller avec une attention toute particulière. L'ancien roi des Bonteurs, qui, sur le Celtic, avait pris le nom de John Howard, était assis à l'autre côté de la table, presque en face du maître. Le détective ne put s'empêcher d'admirer l'aisance que montrait l'aigre-fin. On eût dit un gentleman et un homme du monde accompli. Il était évidemment en grand progrès à ce point de vue. C'était à croire qu'il avait toujours vécu dans ce milieu élégant et distingué où il semblait être comme chez lui. Jamais, à le voir manœuvrer, on n'eût pu supposer qu'il était d'extraction vulgaire et qu'il avait passé plusieurs années de sa vie entre les quatre murs d'un cachot. Ah, certes, on eût bien surpris les autres convives. Si on leur eût dit ce qu'était en réalité ce monsieur Howard, dont la conversation était pleine d'intérêt. Nat Pinkerton ne put s'empêcher de sourire à cette pensée. Howard causait justement avec sa voisine de droite, une jeune femme très jolie, au teint pâle et qui portait une robe bleue du meilleur goût. Le maître remarqua qu'elle avait sur elle des bijoux dont la valeur devait être considérable. Autour du cou s'enroulait un collier garni de brillants d'une pureté merveilleuse. Sur le devant retombaient plusieurs rangées de perles d'une grosseur bien au-delà de la moyenne. À lui seul, ce collier valait au moins 20 000 $. Mais ce n'était pas tout. L'inconnu avait encore des bagues, un bracelet, une broche, qui devaient certainement avoir une grande valeur. « Si j'exerçais la profession de voleur, se dit Pinkerton, c'est certainement cette dame que je choisirais pour ma victime. Je trouve justement que Brewer lui témoigne beaucoup d'attention. Méfions-nous. » Au moment où le maître faisait ses réflexions, un steward vint présenter à la dame en bleu un plat d'argent sur lequel était un magnifique poisson. Tandis qu'elle se servait, le steward, un grand gaillard au visage complètement rasé, ne cessa de regarder avec des yeux étincelants de convoitise les bijoux qu'elle portait. Il semblait confondu d'admiration devant ces joyaux, dont le prix eût permis à toute une humble famille de vivre heureuse et à l'abri de tout souci. « Tiens, se dit Pinkerton, ce steward m'a tout l'air d'un connaisseur. » Tout en observant le manège du garçon, le maître n'avait pas perdu Bill Brewer de vue. Il ne put s'empêcher cependant d'être frappé en remarquant l'expression de basse cupidité qui se peignit sur le visage du steward quand il aperçut les bagues précieuses que Pinkerton portait à ses doigts. Mais, si intéressante que fût cette nouvelle constatation, il ne cessa pas un seul instant d'observer l'attitude de Brewer, alias Howard. Il savait que l'escroc avait conçu jadis une haine farouche contre celui qu'il avait démasqué et livré à la justice. En tout cas, quand même cette haine n'eût pas été oubliée depuis 8 ans, il était matériellement impossible que Brewer reconnût dans Mr. Harry Clifford son ancien adversaire, tant celui-ci était habilement déguisé. Il avait regardé à 2 ou 3 reprises le détective sans qu'un tressaillement de ses muscles permît de croire qu'il eût reconnu son vis-à-vis. Évidemment, il était à 100 lieues de penser à Pinkerton en ce moment. Le déjeuner achevé, le maître prit des informations sur la dame en bleu. Il sut bientôt que c'était une grande actrice française, nommée Madeleine Marais, qui revenait d'une tournée dans les États-Unis, au cours de laquelle elle avait chanté pendant plusieurs semaines au Théâtre métropolitain de New York. Elle rentrait à Paris, où elle était engagée à l'opéra. Après le déjeuner, le concert reprit sur le promenoir. Howard monta sur le pont avec Miss Marais, envers qui il témoignait d'un empressement de plus en plus marqué. Le détective, qui suivait d'un œil attentif tous ses faits et gestes, avait acquis désormais la conviction que Bill Brewer avait renoncé définitivement au jeu. Mais le diable n'y perdait rien, certainement. et le bandit avait dû tout simplement adopter quelques nouvelles spécialités, plus dangereuses encore, mais peut-être aussi plus fructueuses. Aussi le détective était-il bien résolu à lui mettre la main au collet au moindre geste, à la moindre démarche suspecte. Il se pouvait parfaitement que Brewer appartint à la bande qui semblait avoir choisi les grands transatlantiques pour théâtre de ses exploits. Peut-être y avait-il déjà un certain temps qu'il parcourait ainsi l'océan dans tous sens, à l'affût des moindres occasions favorables, pour s'enrichir aux dépens de ses compagnons de traversée. Brewer passa l'après-midi soit au salon fumoir, soit sur l'arrière du pont, jouant avec plusieurs dames et messieurs, dont il avait bien vite fait la connaissance, grâce à ses manières distinguées, au jeu de poker qui, comme on le sait, est le jeu le plus répandu et le plus en faveur sur les paquebots. Au souper, il reprit sa place du matin. Mais un grand nombre de convives avait disparu. Le mal de mer commençait à sévir. Madeleine Marais était là aussi. Elle était un peu pâle, mais elle assurait qu'à part un peu de migraine, elle ne se sentait nullement incommodée. Elle portait d'autres bijoux que le matin, non moins beaux et non moins riches. Howard lui en ayant exprimé son étonnement et aussi son admiration, elle répondit d'un ton enjoué qu'elle possédait effectivement un nombre considérable de bijoux qui lui avaient été offerts en témoignage d'admiration au cours de sa triomphale tournée par les abonnés ou les habitués des grandes scènes américaines sur lesquelles elle s'était fait applaudir. Le souper achevé, Madeleine Marais resta encore un instant en compagnie de quelques messieurs fort empressés à lui présenter leurs hommages. Mais, se sentant très fatiguée par cette première journée de voyage, elle ne tarda pas à prendre congé d'eux pour se retirer dans sa cabine. Howard ne resta que quelques minutes après elle sur le pont et Pinkerton, qui ne le quittait pas plus que son ombre, le retrouva bientôt au fumoir, où il avait lié conversation avec quelques-uns des passagers et leur avait proposé de faire une partie pour tuer le temps. Le maître prit place près des joueurs à côté d'un vieux monsieur. Il se présenta et se mit à causer de choses indifférentes avec son voisin tout en cessant d'observer Howard. Les cartes apportées, le jeu commença et au début tout se passa fort régulièrement. Nat Pinkerton, qui connaissait à fond tous les procédés et tous les trucs employés par les tricheurs, ne remarqua absolument rien d'anormal. Howard jouait on ne peut plus loyalement. Cela confirma le détective dans son opinion que Brewer avait renoncé à faire des dupes en trichant aux cartes. Depuis qu'on exerçait à bord des paquebots une surveillance active de tous les instants, le danger était trop grand, et le faux Howard ne pouvait ignorer que si on le prenait de nouveau en flagrant délit, il serait traité comme récidiviste et condamné beaucoup plus sévèrement que la première fois. La partie durait depuis 2 heures. Pinkerton était décidé à ne pas perdre son homme de vue, surtout maintenant qu'il le soupçonnait fortement d'avoir remplacé le jeu par le vol. D'ailleurs, l'intérêt tout particulier qu'il avait témoigné à Madeleine Marais était des plus suspects. Il ne pouvait évidemment être question d'amour entre eux. C'était donc aux bijoux de la jeune femme qu'il en voulait. Il n'était guère permis d'en douter. Howard n'était pas en benne ce soir-là. Et les deux autres joueurs gagnaient d'une façon ininterrompue. Cependant, il n'en manifestait aucun dépit et sa bonne humeur n'en semblait en rien altérée. De temps en temps, il lançait quelques plaisanteries ou racontait quelques anecdotes piquantes. Ses deux partenaires étaient enchantés de lui, et ils ne se doutaient pas un seul instant qu'Howard ne fût le modèle des gentlemen et des joueurs malheureux. À un moment donné, Howard se leva et pria ses deux compagnons de l'excuser un moment. Puis il sortit du salon et revint, quelques instants après, prendre sa place. Le jeu recommença. Nat Pinkerton redoubla d'attention, se disant que l'absence de Howard avait probablement un but particulier qui n'était pas sans relation avec le jeu. En effet, il y avait à peine 5 minutes que la partie avait repris quand le maître et Howard échangeaient avec une rapidité et une habileté qui attestaient d'une longue expérience dans ce genre d'exercice le jeu de cartes avec lequel on avait joué jusqu'à présent contre un autre jeu qu'il venait de sortir de la poche intérieure de son habit. Aucun des deux gentlemen ne s'était aperçu de la substitution, car les nouvelles cartes jetées par Howard sur le tapis étaient en tout point identiques aux précédentes. Il va sans dire que le second jeu était préparé d'avance. C'est l'enfance de l'art. Bientôt la veine commença à tourner et à favoriser Howard au détriment de ses deux adversaires. En quelques instants, non seulement il eut rattrapé tout ce qu'il avait perdu, mais encore il infligea des pertes sensibles aux deux gentlemen. Ceux-ci manquèrent de sang-froid et risquèrent des sommes de plus en plus considérables. De temps en temps, ils avaient un coup heureux, mais cela ne durait pas, et maintenant ils perdaient gros. Ainsi, se dit Pinkerton, je me suis trompé, et ce gaillard-là n'a qu'une corde à son arc. Il est en train de plumer ces deux honorables gentlemen comme de vulgaires pigeons. C'est à peine s'il se cache. Il faut croire qu'il est sûr de son fait et qu'il ne craint pas de se faire pincer. Le détective avait parfaitement vu comment, avant de commencer à jouer et à diverses reprises au cours de la partie, Brewer avait eu si souvent affaire aux agents de la sûreté et de la police secrète qu'il avait un flair à peu près infaillible pour les reconnaître. Mais de toutes les personnes qui se trouvaient là, aucune n'avait éveillé ses soupçons et Nat Pinkerton lui-même lui avait paru le plus inoffensif de tous. Vers minuit, le fumoir se trouva à peu près désert. À la fin, il ne resta plus que les trois joueurs et le détective qui ne tarda pas à se retirer à son tour. Il monta sur le pont où il trouva le commandant encore debout. Celui-ci revenait du promenoir où il s'était arrêté quelques instants à causer avec plusieurs passagers qu'il connaissait personnellement. Pinkerton s'avança vers lui et lui dit quelques mots à l'oreille. Le brave officier fit un pas en arrière et le regarda d'un air stupéfait. « Comment, vous, à bord, Mr. Pinkerton ?»« Chut !» dit le maître à voix basse. « Gardez-vous bien de révéler à qui que ce soit que je suis sur le Celtic. Pour vous et pour tout le monde, je suis simplement Mr. Harry Cliffwood, de Baltimore. Il est de la plus haute importance que ma présence demeure ignorée. Et maintenant, suivez-moi, je vous prie. Nous allons de ce pas arrêter un de vos passagers. Un gaillard extrêmement rusé et dangereux. Un escroc qui a déjà dépouillé pas mal de voyageurs, victime de sa trop grande habileté au jeu, et qui, à cette heure, est en train de plumer deux honorables gentlemen là-bas dans le fumoir. Je vous le répète, que mon nom ne soit pas prononcé. J'ai déjà eu affaire jadis à ce personnage, mais, déguisé et grimé comme je le suis, il ne me reconnaîtra certainement pas. Je tiens absolument à ce qu'il ignore qui je suis, ainsi que ses deux partenaires, car le bruit de ma présence ne tarderait pas à se répandre à bord. Et si je suis ici, ce n'est pas pour lui, mais pour les voleurs du bijou qui semblent avoir résolu de mettre votre navire en coupe réglée. Comptez sur ma discrétion, promit le commandant. Pourrais-je vous demander le nom de l'individu qui est en train d'exercer sa coupable industrie dans le fumoir ? Ici, il se fait appeler John Howard. Le marin fit machinalement un pas en arrière tant sa surprise fut grande. John Howard, ce gentleman si aimable et si séduisant, qui a déjà fait la conquête de tout le monde, murmura-t-il, est-ce possible ? Il ne s'appelle pas John Howard, mais Bill Brewer. Le commandant répéta ce nom et porta la main à son front. Attendez, je me souviens. J'ai déjà entendu prononcer ce nom, mais il y a des années de cela. Oui, j'y suis. Ce Bill Brewer était un tricheur fameux qui a eu des mésaventures depuis. Oui, dit Pinkerton, en particulier celle de passer ses dernières années en prison. C'est pour ça qu'on n'avait plus entendu parler de lui. Mais sitôt remis en liberté, il n'a eu rien de plus pressé que de reprendre le cours de ses exploits. Décidément, il n'a que temps d'y mettre fin de nouveau. Allons, venez, Mr. Cliffwood. Les deux hommes descendirent au fumoir. Les trois joueurs s'y trouvaient encore. Ils étaient si absorbés par leur partie qu'ils ne firent même pas attention de nouveaux venus. Seul Howard releva un instant la tête, mais il n'eut aucun soupçon. Tout d'un coup, Pinkerton se dressa à côté de la table. Dans sa main droite brillait un revolver dont le canon était braqué sur Howard. « Gentlemen, dit-il aux deux autres joueurs, laissez vos cartes. Vous êtes tombés, sans vous en douter, entre les mains d'un escroc qui, il y a quelques semaines encore, purgeait une condamnation à la prison de Sing Sing. » Les deux passagers demeurèrent comme pétrifiés de stupeur. Quant à Howard, il était devenu livide. Les cartes tombèrent de ses mains et il regarda le détective avec des yeux agrandis par l'effroi. Il ne reconnut pas Pinkerton grâce au déguisement de celui-ci. Cependant, il recouvra presque instantanément son sang-froid. Il se leva et il voulut jouer à l'homme du monde injustement soupçonné et outragé dans son honneur. Il frappa du poing sur la table et s'écria « Qu'est-ce à dire ? De quel droit vous permettez-vous de me lancer à la face une accusation aussi affamante ? Ces deux gentlemen et moi, nous avons joué de la manière la plus loyale. » « Ces deux gentlemen, oui, mais pas vous. Si nous ne nous étions pas mêlés, vous auriez achevé de les dépouiller tout à votre aise. Commandant, je me mets sous votre protection. Défendez-moi contre les insolences de cet individu. Le commandant haussa les épaules. Au même instant, Pinkerton s'écria. Halte là. Ne portez pas la main à votre poche ou je vous envoie une balle dans la tête, Bill Brewer. En entendant prononcer son véritable nom par cet homme qui lui était totalement inconnu, le faux Howard fut comme frappé de la foudre. Il chancela et fit un pas en arrière. Le maître profita de ce moment de répit. Prompt comme l'éclair, il remit son revolver dans sa poche et en tira une paire de menottes d'acier. Deux secondes après, le misérable, écumant de rage et encore mal remis de sa stupeur, était définitivement réduit à l'impuissance. Pinkerton le fouilla alors sans aucune cérémonie et le retrouva dans ses poches un revolver et un jeu de cartes. « Voilà, gentlemen, » dit-il en jetant ce jeu sur la table. « Voilà les cartes avec lesquelles vous aviez commencé la partie ce soir. Quant aux autres, celles qui depuis une heure vous ont valu une pareille malchance, elles étaient préparées et maquillées, et Mr. Howard, alias Brewer, les avait habilement substituées aux premières. Veuillez, je vous prie, faire le compte de ce que vous avez perdu. L'argent que cet individu vous a escroqué vous sera restitué intégralement. » Le misérable, les dents serrées, regardait le détective avec des yeux étincelants de haine. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il d'une voix sifflante. « Mr. Harry Clifford, de Baltimore. » répondit le maître avec un sourire ironique. « C'est faux, je n'en crois rien. Il faut que nous nous soyons déjà rencontrés quelque part. D'où me connaissez-vous ? Je vous connais, c'est parfaitement exact. Que sait-on ? Peut-être j'étais jadis une des victimes de votre trop grande habileté au jeu, et ai-je saisi l'occasion de prendre aujourd'hui ma revanche ? Si la question vous intéresse, vous aurez tout le temps voulu pour y méditer à loisir. Car le jury se fera certainement un devoir et un plaisir de vous offrir pour quelques années une hospitalité exempte de faste dans les établissements de l'État. Misérable, je me vengerai. Bon, bon, nous en reparlerons plus tard, quand vous serez rendu à la circulation. Bill Brewer n'avait plus qu'à se résigner à l'inévitable. Il se laissa enlever sans résistance l'argent qu'il avait gagné à ses deux dupes. Après quoi Pinkerton et le commandant le conduisirent et l'enfermèrent dans une des cellules aménagées à bord de tous les paquebots en prévision d'une éventualité de ce genre. Les deux passagers, auxquels le détective venait de rendre un si grand service, ne manquèrent pas de lui en exprimer leur reconnaissance dans les termes les plus chaleureux. Bien entendu, ils n'étaient pas dupes de la personnalité d'emprunt qu'avait prise le détective. Mais en gens discrets et bien élevés, ils se gardèrent bien de demander d'autres renseignements. Pinkerton les pria de parler le moins possible de cette fâcheuse affaire. Évidemment, Howard était déjà trop connu des passagers de première et de seconde classe pour que son arrestation et son emprisonnement restassent longtemps ignorés. Mais au moins, pouvait-on tenir cachés les incidents qui avaient précédé et accompagné ce scandale. Tout en retournant à sa cabine, Pinkerton se demandait s'il n'avait pas agi avec trop de précipitation. Qui lui disait que Bill Brewer ne cumulait pas ? Non seulement il trichait, mais encore il volait peut-être à l'occasion. Il eût donc été plus habile de le laisser faire pendant quelques heures, quitte à le surveiller étroitement. Mais non, se dit le détective. Il était à la table de jeu et n'en aurait pas bougé. Je sais qu'il était dans ses habitudes, quand il avait trouvé de bons pigeons, de faire durer la partie jusqu'au jour. Il n'y aurait sûrement pas manqué, et s'il est vrai qu'il pratique également le vol, ce n'est certainement pas cette nuit qu'il aurait exercé ses nouveaux talents. Le maître, en faisant ses réflexions, était bien loin de se douter qu'un instant après, il allait avoir la preuve éclatante et irréfutable que Bill Brewer n'avait nullement élargi le champ de ses opérations et qu'il n'appartenait pas à la bande des voleurs de paquebots. Son intention était de parcourir à plusieurs reprises, pendant la nuit, les couloirs des cabines pour voir s'il ne s'y passait rien de suspect. En effet, c'était la nuit surtout, pendant que tout le monde dormait, qu'il importait de redoubler de surveillance. Mais auparavant, il commença par retourner dans sa propre cabine, dont il n'avait pas fermé la porte à clé. Il entra et étendit la main à droite pour trouver l'interrupteur et donner de la lumière. Mais au même instant, il reçut à l'improviste sur la tête un coup si violent qu'il tomba évanoui sans avoir eu le temps de pousser un seul cri.